Eh bien, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison de la boîte à BO, BO pour bande originale. Chaque semaine, l'occasion de revisiter donc les grands standards de la musique de film avec de nombreuses rubriques que vous allez progressivement découvrir tout au long de ces 30 minutes. Et toujours fidèle au poste pour la deuxième année, Francine, bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Bah, c'est toujours génial les vacances, on est content de revenir aussi. Tout à fait. Alors quel est le programme du jour ? Alors, au programme aujourd'hui, nous allons entendre des musiques de différents films comme La Nuit Américaine, Philadelphia, Paris, Texas, Les Visiteurs et encore bien d'autres. Eh bien, une très belle programmation. Donc, on se retrouve tout de suite pour un nouveau numéro de la boîte ABO. Eh bien, commençons comme d'habitude par notre première séquence avec la séquence BO culte avec bien évidemment l'un des grands maîtres de la musique de film, Georges Delerue, avec aujourd'hui la musique du film de François Truffaut, La Nuit Américaine. Donc auteur de près de 350 bandes originales, collaborateur des plus grands réalisateurs français et de bon nombre de leurs homologues américains, Georges Delerue demeura jusqu'à son décès en 1992, donc un compositeur d'une incroyable modestie et d'une grande courtoisie. Parmi les bandes originales dont il se disait le plus fier, celle du Dernier Métro et de La Nuit Américaine occupait une place à part. Il s'agissait de films de François Truffaut, son ami pour qui il écrivit pas moins de 11 partition. Alors donc nous allons écouter donc aujourd'hui donc La Nuit Américaine. Ce film a pour objet le tournage d'un film. Le rôle du réalisateur est tenu par François Truffaut lui-même. François Truffaut qui a permis à Nathalie Baye de percer dans le métier en l'engageant dans donc justement La Nuit Américaine, donc tournée en 1973, puis L'Homme qui aimait les femmes en 1977 et La Chambre verte. Retrouvons donc Grand Choral, composition originale en forme de concerto pour trompette, une composition donc de Georges Delerue. Américaine, retrouvons maintenant la BO en chanson. Alors, la chanson se mêle souvent à la musique de film. En effet, de grandes chansons étaient au départ une bande originale de film et sont devenues de grands succès ensuite. Et cette semaine, nous retrouvons Bruce Springsteen pour la chanson Streets of Philadelphia, pour le film Philadelphia. C'est un film très puissant sur le sida et l'homophobie, une première à Hollywood. Philadelphia a marqué plus d'un spectateur pour la présentation de Tom Hanks en avocat séropositif. Il a d'ailleurs eu l'Oscar du meilleur acteur. Et pour sa chanson thème Streets of Philadelphia, Philadelphia, qui a aussi eu l'Oscar de la meilleure chanson originale. Alors, numéro 1 des ventes en France, le titre écrit, composé et interprété par Bruce Springsteen, spécialement pour le film, s'offre également 4 Grammy Awards en 1994, dont celui de la chanson de l'année. Donc, je vous propose d'écouter tout de suite cette chanson, Streets of Philadelphia. Voilà, passons maintenant à notre séquence BO années 80 avec Paris, Texas, qui est un film réalisé par Wim Wenders, sorti en 1984 et qui obtint la Palme d'Or donc au Festival de Cannes. Un homme réapparaît dans le désert du Texas après avoir disparu pendant 4 ans. Il retrouve alors son jeune frère, mais ne lui donne aucune explication sur son absence. Certaines musiques de films vous marquent plus que d'autres. C'est le cas de la bande originale de Paris, Texas de Wim Wenders signée Ray Cooder. Un film et sa musique complètement dépendants l'un de l'autre. Écoutons tout de suite donc le thème principal de ce film. Place à la BO Comédie avec Les Visiteurs, un film de Jean-Marie Poiret avec la musique d'Éric Lévy. Alors, tout a été dit sur le film de Jean-Marie Poiret, devenu l'un des plus grands succès cinématographiques français de tous les temps avec 13,6 millions d'entrées. Cette comédie racontant les péripéties de qui ? De Godefroy de Montmirail et de Jacouille la Fripouille. Ah, Jacouille la Fripouille, mémorable. Et oui, propulsée par erreur à la fin du XXe siècle. Pourtant, très peu de choses ont été dites sur la musique composée par Éric Lévy, occultée on ne sait pourquoi, alors qu'elle avait tous les atouts pour devenir culte. La musique des Visiteurs a permis au grand public de découvrir le compositeur Éric Lévy qui a surtout composé la musique d'une grande partie des films de Jean-Marie Poiret. Donc écoutons tout de suite la musique des Visiteurs. We'll be right back. Eh bien, changeons de registre après donc, la bande originale des Visiteurs. Passons maintenant à la BO Frisson, l'occasion de vous montrer comment, au-delà des images, une musique de film peut créer un sentiment d'angoisse. Et aujourd'hui, c'est la bande originale du film Seven de David Fincher avec donc, la musique composée par Howard Shaw. Alors, je ne sais pas, Francine, si tu te souviens donc, de l'interprète principal donc, dans ce film Seven. Le merveilleux Brad Pitt. Eh oui, et puis aussi l'inquiétant Kevin Spacey. Alors, c'est la première collaboration entre donc, David Fincher et Howard Shaw pour ce film Seven. Il y en aura d'autres en 1997 avec The Game et en 2002 pour Panic Room. Le compositeur canadien s'initie une musique sombre qui suinte la crasse et la perversion. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de cette bande originale. Bien angoissante, BO frisson avec ce film, donc Seven, et donc la composition du film, donc avec l'auteur Howard Shore. Alors dans ce film, il y a aussi de nombreuses chansons tirées des classiques du jazz et du blues pour coller justement à l'ambiance terriblement film noir de ce grand Fincher. Et bien retrouvons justement une chanson donc qui est tirée de ce film de Marvin Gaye avec Trouble Man. Trouble. better sweat me, babe. Place à la BO romance, un peu de romantisme pour terminer ce premier numéro de la boîte à BO, l'occasion de retrouver les BO des films qui nous ont fait chavirer. Et vous connaissez certainement Coup de foudre à Notting Hill, un film britannique réalisé par Roger Mitchell, sorti en 1999 avec Julia Roberts et Hugh Grant. La première joue le rôle d'une actrice célèbre d'Hollywood et le second campe un libraire de Notting Hill. Très vite, une relation amoureuse va naître entre les deux personnages et une scène va marquer les esprits, celle où nos deux tourtereaux s'engouffrent dans un jardin privé, s'embrassent, se baladent au clair de lune avant de s'asseoir sur un banc. La chanson qui accompagne cette scène romantique par excellence s'appelle « When You Say Nothing at All » de Ronan Keating, chanson que je vous propose d'écouter et qui est devenue depuis un standard de la musique country américaine. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile. Of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking Et ainsi s'achève ce nouveau numéro de la boîte à BO. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet et puis de nous faire part de vos BO coup de cœur. Eh bien, Francine, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on termine toujours avec cette BO du film Coup de foudre à Notting Hill. Et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet. Hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all.